dans un confort de ouf, dans au rythme. Très fatigué de la veille, j'ai pas respecté le check-in. Couleur d'un club, quand y'en avait plus, je remettais du honey dans le club. C'est une bad girl, tranquille, je suis un real bad man. On s'enchaîne, plus son body sur du papa. J'aime trop quand tu échanges de fréquence. J'aime quand elle ralentit, j'aime trop quand elle me fait sa danse. Sinon je vais lui faire mal. Chaque jour je prends des risques, je laisse pas d'analyse. J'ai fait des trucs de fou pour voir ma famille cry. Je pull up dans le club comme un curry. Bah oui, je me sens dans le bien, loin des ennuis. C'est quand tout va bien que les vermines aient de grippe. Tantas, je connais ses limites, c'est tantas. Je la mets dans la lulu direct quand j'ai l'occasion. Je l'emmène manger, je suis en location. Je m'endors dans un confort de ouf, je m'endors au rythme. Trop fatigué de la veille, j'ai pas respecté le check-in. Pour dans le club, quand y'en avait plus, je remettais du honey dans le club. C'est une bad girl, tranquille, je suis un real bad man. On s'enchaîne, pousse son body sur du papa. J'aime trop quand ils échangent de fréquence. J'aime quand elle ralentit, j'aime trop quand elle me fait sa danse. J'arrive, je vois toute la foule lever. Olema, pas de calme, lève carrément le poléma. La grita, sur du aya ou du poléma. Les polémiques, loin de moi, pépé, c'est qui me fait la malade. J'ai l'un de ceux qui me fait les mal. Follow moi, qu'est-ce que je peux partir en cours. J'en ai mis des coups, elle a bien aimé. Les engines et tout. Dans un confort de ouf, je m'endors au rythme. Trop fatigué de la veille, j'ai pas respecté le check-in. Pull up dans le club, quand y'en avait plus, je remettais du honey dans le club. C'est une bad girl, tranquille, je suis un real bad man. On s'enchaîne, pousse au body sur du papa. J'aime trop quand ils échangent de fréquence. J'aime quand elle ralentit, j'aime trop quand elle me fait sa danse.